Ouais, on mic, tout dit, da Chris, ouais, c'est du lourd, mec, c'est du lourd, ouais. De tout jeep, d'apparence bien, mais à fond un mauvais jeep. Le genre de mec que tu vois à la télé, tu flippes. Trop de gens cherchent la merde sans le savoir. Un flingue sur la tête, c'est ce qu'ils voulaient pas savoir. Ils ont plein d'embrouilles sans rien vouloir. Maintenant ils voient le diable au fond du couloir. Ceux qui parlent mal derrière ton dos, faut les tuer. Ceux qui essayent tcha-tcha d'ago, faut les tuer. Ceux qui s'occupent de tes blèmes pro, faut les tuer. Ceux qui mais son défaut, faut les tuer. Habite sur la cachette, les laisse pas tendre de crier. Réfléchis pas, leur laisse pas le temps de prier. On vole un bien profond sous cette terre. Trop de gens méritent la mort, on peut rien y faire. Six feet deep t'emmène dans un mauvais trip. Six pieds sous terre, on t'emmène bien faire un tour. Tout deep, au mic s'accroche à ses tripes. Mais face à la mort, on se retrouvera un jour. Six feet deep t'emmène dans un mauvais trip. Six pieds sous terre, on t'emmène bien faire un tour. Tout deep, au mic s'accroche à ses tripes. Mais face à la mort, on se retrouvera un jour. Flex débarque avec un mic et une faux. La main gauche pour les vrais, la main droite pour les faux. Un doigt sur la détente, un glock sur la tempe. Tout deep met fin à tes jours et stop ton latence. Du hip-hop monarque, préparez le trône. Ce sera la feuille en dollars et le crayon en chrome. Dans la paume, trop de cris à retranscrire en livre ou en psaume. Ouais, je rappe, ouais, je rappe ma vie. Trop de mecs dans les steps, ça se tape, manie. Le Glock, Uzi, AK-47, attente à suicide. La bombe est dans une poussette. Six feet deep, un son qui débarque en Lexus. Flex, un son qui arrive comme un coup dans le plexus. Six pieds sous terre, on t'envoie toi et ta clique. Tout deep, serre les dents et sort l'automatique. Six feet deep t'emmène dans un mauvais trip. Six pieds sous terre, on t'emmène bien faire un tour. Tout deep, au mic s'accroche à ses tripes. Mais face à la mort, on se retrouvera un jour. Six feet deep t'emmène dans un mauvais trip. Six pieds sous terre, on t'emmène bien faire un tour. Tout deep, au mic s'accroche à ses tripes. Mais face à la mort, on se retrouvera un jour. Rapport de force à plus de 17, tout le line 1-1, des russes font guerre, 7 sur 7. C'est la drogue et la douane. Très peu de chanteux comme 50 Cent. Là où trop tombe, d'être number one. Hier à 10, demain à 100. Et sans la haine en patrimoine. Le respect se perd entre quartiers. Ils en ressemblent pour l'exemple. Dans notre camp, y'a plus pitié. Les temps sont très pleins de l'encre. Cherche de peu, venez sentier. Mais au final, seuls les merdes. Les balles fusent d'une rue à l'autre. Et la reine devient plus ample. Sur ma katane, c'est la guerre. Certains perdent les pédales. Les faits divers qui font la une de la presse. Un scandale. Et les petits frères font nos exemples. Tous poussés par la dalle. Les esprits. Ne veut pas aller se contrer tes pédales. Les fesses répètent, y'a plus d'amour dans les cœurs. Tous poussés par la rancœur. Et ce pour finir vainqueur. Sur une pile, trois agresseurs. Ta crise c'est tout dit. Si tu veux test, tu vas-y. Tu finiras.